Guillermo Guise. Je t'aime, Guillermo. Ça va, les amigos? Très bien. On en est tous là, Nagui. Moi aussi, je suis obligé de m'aimer individuellement aussi, là, pour le moment, je vous avoue. Ça va, les amigos? Dites, j'ai un point de vue. Ce matin, j'ai un point de vue. Alors, ça n'arrive jamais. D'habitude, mes billets, c'est du prosaïque pur, quoi. Je vous fais, ça va, les amigos? Hier soir, eh ben, j'ai tenté un risotto aux asperges. Et qui je retrouve 20 minutes plus tard dans l'odeur de mon urine? Je vous le donne en mille. Là, hop, deux blagues subtiles sur le pipi, une ref à Daniel, et je les ai, mes 60 000 vues sur YouTube, hein. Ah ouais, j'ai pas la chance d'être en couple, mais j'aime quand même bien la routine. Sauf que, là, je crois que j'ai un vrai point de vue. Sur Louis Vuitton et tout. Ah, je suis trop excité de vous dire mon point de vue. Après, vous attendez pas non plus ce point de vue intellectuellement, ça va pas être une claque. Hein. Je doute qu'en entendant mon point de vue, Edgar Morin, il appelle le Standard Inter en faisant « Je veux parler à mon héritier !» Bon, je contextualise. Hier, je parlais avec notre rédacteur en chef et il m'expliquait pourquoi on l'appelle comme ça, parce qu'à ma connaissance, il est rédacteur de pas grand-chose et il est certainement chef de rien. Hein, l'autre jour, Nagui, il a dit « Mets un disque à 11h48 ». Je peux te dire qu'on attend toujours la couleur de la première note. Hein. Franchement, j'ai un bac à linge qui a plus d'autorité que lui. Mais bon, hier, j'étais désespéré, j'avais zéro inspiration pour ma chronique et tout. Je voyais ma teub qui me regardait l'air de dire « Ça va ». J'ai compris. Dans ces cas-là, elle sait que je vais parler d'elle. Hein. Et moi, je lui dis « Oui, mais à un moment, c'est une question de réalité économique. Hein. » Et c'est là que notre rédac-chef, il finit par m'envoyer un papier de Vanity Fair titré « La vente d'articles de sport Louis Vuitton s'envole pendant le confinement. » Genre, ils vendent des haltères à 1800 euros, des cordes à sauter à 450 euros. Et là, je me dis « Ah ben voilà, là oui, là j'ai un os à ronger. » Ben, j'aime bien de temps en temps faire une chronique de gauche, hein, au cas où la direction écoute. Dieu merci, c'est rare. Hein. Ils sont pas des couilles de la bande originale. Hein. Ils croisent Nagui dans les couloirs. « Alors, ça se passe votre émission ?» Nagui fait « Oui !» On a eu Marie-Claude Pietragala, alors que l'invité, c'était David Hallyday. Et ça passe crème, hein, vraiment. En vrai, je lis l'article. Je me dis 450 balles pour qu'il écrive Vuitton sur ta corde à sauter. Ça, c'est typiquement le signe qu'on a compris la leçon, quoi. Là, dans mon carnet, je note, moi, si j'achète une corde à 450 euros, c'est pour me pendre avec, en me disant, bon, c'est un premier jet, cette vanne. Hein, je vais l'améliorer. Au pire, je la ferai avec un accent. Alors moi, si j'achète une corde à 450 euros, c'est pour me pendre avec, hein. Mais pourquoi cet accent? Voilà. Toujours pas. Elle manquait vraiment de qualité intrinsèque. Mais donc j'étais chaud pour dénoncer et tout. Sauf que là, en fin d'article, qu'est-ce que je lis? Qu'en parallèle, Vuitton, ça fait des semaines qu'ils confectionnent des masques gratuits dans leurs ateliers. Ah, je me dis, ah, flûte, ma démonstration. Ah, là, il y a ma teub qui me regarde et leur dit, non, hein. Non. Je sais ce que tu penses, mais tu continues sur ton angle, tu creuses, t'abandonnes pas maintenant, pas si près du point de vue. Et c'est là que ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit qu'en fait, le cas Vuitton, il catalyse à lui seul tous les enjeux de ce que d'aucuns se plaisent à appeler le monde d'après. Et ça, c'est une belle phrase, non? J'ai commencé à l'écrire avant le confinement. Tu vois, j'étais inquiet hier soir encore. Je me disais, elle sera jamais prête, cette phrase, pour ma chronique. Cette résilience. C'est ça, Vuitton. Hein. Des haltères à 1800 balles ou des masques gratuits. C'est ça la matrice du futur, en fait. C'est le choix entre la pilule rouge et la pilule bleue, quoi. Et je peux vous dire que dans l'équipe, il y en a un qui a déjà choisi. Attention, vanne sur Daniel dans 3, 2, 1. Ah ben non, finalement. Allez, bonne émission. Merci. Ah, quel